بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نواصل دراستنا في كتاب صفة الصلاة، وتوقفنا في مسألة من المسائل المتعلقة بمسألة دعاء الاستفتاح، بمسألة دعاء الاستفتاح، وتوقفنا عند قول الشارح كتاب الصلاة للشيخ الألباني، وذكر مسألة كيف يسمى هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح، ومنه صيغ ليس فيها طلب، وتوقفنا عند هذا السؤال وهذه المسألة. Donc on va continuer inshallah sur la lecture de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et سائلين الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل والثبات والسداد والتوفيق. Et donc la fois dernière, dans la dernière assise, si vous vous en rappelez, on s'était arrêté sur une question qu'on devait traiter. On avait lu la question, on avait dit qu'on remettait la réponse, vu que l'heure était tardive. On remettait la réponse à l'assise prochaine, c'est-à-dire à celle-ci. Donc c'est une masala que mentionne l'auteur du commentaire de la description du prophète du livre de Sheikh al-Albani, rahmatullah alayh. Pourquoi je le stipule bien? Pourquoi? Parce qu'à la base, on lit le livre de Sheikh Ibn Uthaymeen, la description de la prière. Et parfois, on a dit, on peut prendre, Bard al-Fawaid, certains éléments importants. Alhamdulillah, Allah fait que, alhamdulillah, on a un peu de temps, bi'idhnillah, donc d'étudier certaines masa'il pour pouvoir approfondir et augmenter notre culture générale concernant la prière, des questions liées à la prière. Pourquoi? Parce que comme on l'avait dit, la prière c'est une adoration qu'on fait quotidiennement, et donc c'est une adoration qu'il faut parfaire. Et comme on avait pris, c'était un grand rappel, le hadith du prophète ensemble qu'on appelle celui qui a mal prié. Vous avez vu déjà à l'époque du prophète sallam, un homme est rentré à la mosquée et le prophète sallam lui avait dit refais ta prière. Ce qui prouve que parfois on peut prier, on pense qu'on a prié, mais on se doit de refaire la prière si elle est mal accomplie. C'est pour cela, lors de l'explication de ce récit, Cheikh Ibn Uthaymeen avait donné une très belle parole. Il dit, dans la réalité, le prophète sallam n'a pas nié la réalité. Un nafi, la négation du prophète que cet homme ait prié, ce n'est pas un nafi al-waqai. Lam yanfi ma waqa'a. Il n'a pas nié ce qui s'est produit, c'est-à-dire le fait que l'homme a prié. L'homme avait prié. Ce qu'a nié le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nafi shara'i. C'est une négation religieuse, c'est-à-dire que sa prière soit religieusement acceptable. Sinon, l'homme en vérité qui était rentré dans la mosquée, il avait prié, donc il avait accompli cette prière. Sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, lorsqu'il dit à l'homme de refaire sa prière, et donc il a nié le caractère du fait que l'homme ait prié, pas le fait qu'il ait prié, mais le fait que sa prière religieusement soit acceptable. Donc pour ce fait, le prophète sallam lui a dit « Repars prier car tu n'as pas prié ». Et donc ça c'était une très belle faïda qu'on avait lue lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen justement a commenté ce passage, et donc le fait que le prophète sallam avait dit à cet homme de réitérer et de recommencer sa prière. Je vous relis le passage, cette faïda, lorsqu'il le dit dans la page 65. Après qu'il ait cité Al-Hadith, أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث الحديث وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام وفي كتاب في صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة تجدون هذا الحديث ثم قال تعليقا على هذا الحديث regardez ensuite ce qu'a dit l'auteur ونفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل هنا نفي شرعي نفي شرعي ليس نفيا واقعيا ليس نفيا واقعيا لأن الرجل صلى ولكنه لم يصلي شرعا لعدم اطمأنينة فكرر ذلك ثلاث مرات وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردده ليصل إلى هذه النتيجة وهي تشويقه للعلم حتى يلقى عليه العلم وهو أشد ما يكون شوقا إليه فيرسخ في نفسه. Vous avez vu donc très belle faïda de Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit la négation en fait du prophète sallam. L'homme a prié. ليس نفيا واقعيا. L'homme il a prié. Mais le prophète nie que sa prière religieusement soit acceptable. Donc ce qui prouve, c'est un grand rappel, ce qui prouve qu'on peut prier, on peut faire une prière, mais la prière n'est pas acceptée. Si on a mal prié. En l'occurrence ici, beaucoup de savants vont voir ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va enseigner à cet homme la manière de prier, vont voir qu'en fait, le khalal, la déficience de la prière de cet homme, était concernant ce qu'on appelle manina. L'inquiétude, le fait de bien accomplir les mouvements et les positions lorsqu'on est debout, de bien marquer et pratiquer la position. Regardez, je vous fais profiter, avant qu'on continue notre masala, je vous fais profiter d'un athar, peut-être vous l'avez déjà entendu, qui va dans le même sens, un grand rappel, un athar qui est rapporté de Hudhayfa ibn al-Yaman. La même chose, à l'époque, un homme a prié devant le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman. Regardez un des hadiths. Wajadnahu bi al-Isnad. Je vous évoquais là la chaîne de transmission du récit de cette histoire. Cette histoire, justement, qui s'est produite à l'époque de Hudhayfa ibn al-Yaman. قال المصنف حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد ابن وهب قال رأيت حذيفة أو رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الرواية regardez dans cette version l'auteur qui rapporte le récit dans son recueil il dit حدثنا حفص ابن عمر ils évoquent la chaîne de transmission un homme leur a rapporté qui s'appelait حفص le fils de عمر il rapporte et dit m'a raconté Shu'ba, l'imam, l'imam célèbre, Shu'ba, imam fait le hadith. D'après Suleyman, qala, et lui, ce narrateur Suleyman, il dit, j'ai entendu Zayd ibn Wahab, qala, Ra'a, et c'est Zayd ibn Wahb qui rapporte, il dit, un jour le compagnon Hudayfa, Ra'a Rajulan, il a vu un homme, La yatim al-ruku' wa al-sujud. Il priait, mais il parachevait pas bien ses inclinaisons et prosternations. Il ne se prosternait ou s'inclinait pas comme il le fallait. Et donc, il est, dans ce athar-là, Hudayfa lui dit, Ma sallayt, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Et il lui dit, et si tu meurs ainsi, si tu meurs ainsi, tu meurs sur une autre fitra sur laquelle Allah Jalla wa Ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous lire une autre riwaya de l'histoire. L'homme, il va dire à Hudayfa ibn al-Yaman que ça fait 40 ans qu'il prie comme ça. Vous allez voir, ça fait 40 ans. Et dans l'explication du récit aussi, on va voir que tu meurs sur une autre fitra dans le sens que tu meurs sur une autre voie que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi riwaya. Dhukira. Annahu. Il est rapporté que Hudayfa ibn al-Yaman, le célèbre compagnon du prophète, Annahu ra'a rajulan yusalli. Fa taffafa. Tafafa, c'est comme si il fraude dans sa prière. Faqala lahu Hudayfa, Mundhu kam tusalli hadhihi as-salah. Et dans l'explication, vous allez voir, il faisait mal son inclinaison, ar-ruku'. La yatim ar-ruku'. Et Hudayfa fi hadhihi ar-riwaya, et vous pouvez la voir dans An-Nasa'i, rapporté dans An-Nasa'i. Et elle est authentifiée par Cheikh Al-Albani, la riwaya. Il dit, alors Hudayfa, il est rapporté, il dit, depuis quand tu pries cette prière? Et l'homme lui dit, Qala mundhu arba'in aaman, depuis 40 années. Qala lahu, il lui dit, Ma sallayta mundhu arba'in sana. Subhanallah. Il lui a dit, ça fait 40 ans que tu n'as pas prié. Depuis 40 ans, tu n'as pas prié. ولو مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على غير فطره محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال ان الرجل لا يخفف ويتم ويحسن في شرح هذا الحديث donc il lui a dit si ولو مت donc il lui a dit depuis 40 ans en fait tu n'as pas prié. Et si tu meurs ainsi, tu meurs alors que tu pries cette prière-ci, cette prière-là, la mutta, tu meurs sur une autre fitra sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Subhanallah. Dans notre riwaya, c'est celle qu'on a lu précédemment. Il y a un élément en plus. Malgré que l'élément des 40 années n'y est pas. Mais comme on a la première riwaya que je viens de vous lire, dans l'autre riwaya que j'ai lu précédemment, on a un élément en plus, c'est qu'il est dit la ra'a rajulan la yatimu ruku'ahu wa la sujudahu. L'homme, il ne s'inclinait pas comme il le faut, il ne parachevait pas son inclinaison, ni ses prosternations. Donc vous avez vu, on a l'élément ici. C'était quoi la défaillance dans sa prière ? Al-Khalal fi salati. C'est ça, puisque si on entend que Hudayfa lui dit, pendant 40 années, alors tu n'as pas prié. Et si tu meurs avec cette prière, tu meurs sur une autre fitra que celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ou était, sur celle-ci. Et, alors, dans cette riwaya que je vais vous lire, il dit, فَرَأَ رَجُلًا لَا يَتِمُّ رُقُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّ قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُدَيْفَ ما صليت قال واحسبه قال لو مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Et c'est là dans cette version là lorsque l'homme il a fini la prière, Hudayfa ibn al-Yaman lui a dit ma صليت, tu n'as pas prié. Et le rapporteur ensuite dit, je pense qui lui a dit, et si tu meurs comme cela, tu meurs sur une autre sunna que celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ça, vous la retrouvez dans le Bukhari. Et c'est jugé authentique. C'est pour ça que les savants qui ont fait recherche sur le récit, ils ont dit khulasatul hukm sahih. Le résumé sur le hukm du récit plutôt, sahih. Dans un petit charh très concis, regardez ce qu'il est dit, je vous lis très rapidement un petit charh très concis. Yanbaghi lil musalli an yatma'inna fi kulli rukn min arkan as-salah. لأن الاطمئنان ركن فيها فينبغي أن يطمئن في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الرفع من الركوع وفي الجلوس بين سجدتين والاطمئنان أن تستقر أعضاء المصلي في الركن الذي هو فيه ولذلك لما رأى حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما رجلا لا يتم الركوع ولا السجود ولا يطمئن فيهما قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه ما صليت فإنك بهذا النقص لا يعتد بصلاتك ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قالوا في الشرح والمراد بالسنة هنا الطريقة وهي تتناول الفرض والنفل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطمئن في الركوع والسجود وسائر الأركان فإن مت على ذلك كنت مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقته في الصلاة وهذا من تعليم الصحابة للتابعين هذا لتعليم الصحابة للتابعين ونقلهم السنن والأحكام لمن بعدهم ومن حرصهم على هداية الناس كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا عليهم. C'est un charh vraiment bref, concis, mais kalam mumtaz ala al-ghaya. Et là, on a plusieurs enseignements. Ce qui est pertinent dans cette explication concise du Athar de Hudayfa ibn al-Yaman, c'est qu'on a la cause. C'est qu'ils disent en fait, pourquoi le compagnon lui dit, si tu meurs avec cette prière-là, tu pries cette prière-là, tu meurs sur une autre voie, une autre sunna que celle du prophète, pourquoi ? Parce que c'est très pertinent, ils expliquent que la prière du prophète, c'était d'être apaisé dans les inclinaisons, les prosternations. Il y avait un apaisement, une sakina, une quiétude qui est très importante. Et donc le fait de parachever les stations, les positions dans la prière, c'est quelque chose de très important. Mais pas de dérober, pas de prier rapidement, ce qu'on appelle la prière du coq, rapidement sans en réalité incliner, marquer l'inclinaison, marquer la prosternation. Donc la sunna du prophète, s'enseigne dans sa prière, c'était vraiment de montrer un apaisement et de s'incliner véritablement et de parachever l'inclinaison jusqu'à ce qu'il ait rapporté que lorsqu'il se relevait, et avant de se prosterner, il se relevait et restait debout jusqu'à ce que, vous avez vu, ce qu'il faut faire, c'est laisser tous les membres se remettre en place avant tout de suite se prosterner. Donc ça, c'est très important. Et donc, celui qui prie d'une autre manière, donc, sa prière n'est pas fondée sur la sunna, est bâtie sur la sunna, la tradition et les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils disent dans l'explication que la prière, ça sous-entend et englobe aussi bien la prière obligatoire que la prière surrogatoire. La prière obligatoire et la prière surrogatoire. Et ils disent, la quiétude, elle doit être du fait que tastaqir a'da'ul musalli fi rukn alladhi huwa fi. Il faut que les membres vraiment se stabilisent pour bien parachever la position, l'inclinaison ou bien la prosternation. Et donc, du fait que l'homme ne parachevait pas ses positions, son inclinaison et sa prosternation, Hudhayfa ibn al-Yamān, et lui a dit, si tu pries comme cela, et tu meurs comme cela, alors tu meurs sur une autre voie que celle du prophète Mohammed. Et dans le premier athar qu'on a vu, depuis quand tu pries, il lui a dit 40 ans, depuis 40 ans tu n'as pas prié. Imaginez-vous, c'est beaucoup de gens qui, dans leur prière, ils prient tellement rapidement et tellement il n'y a pas de quiétude dans leur prière. Et beaucoup, vous savez, malheureusement, c'est pour ça, El Ilm, c'est une lumière. Vous savez, beaucoup, ils n'ont pas appris. C'est pour cela que la prière, c'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qu'on pratique quotidiennement. Il faut vraiment apprendre pour maîtriser celle-ci. Et donc, regardez. On a dit aussi bien pour la prière obligatoire que pour la prière surrogatoire. Et le Asal de Hudhayfa ibn al-Yamān, c'est pertinent puisqu'on voit que ça, c'est l'époque de Tabi'in. C'est l'époque de compagnons, que les compagnons enseignent aux gens de la génération de Tabi'in. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait, vous avez vu, eux-mêmes enseignaient aux générations d'après, en l'occurrence la génération de At-Tabi'in. Et on voit que les compagnons, donc, enseignaient la prière. Aujourd'hui, si vous dites à une personne, ta prière, tu n'as pas prié. Il faut dire, je me genou nada. Comment je n'ai pas prié? Mais à l'époque, le prophète l'a dit à l'homme. Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Hudhayfa ibn al-Yamān, il l'a dit. Fama balukum fina fi hadha zaman. Wa kathur al-jahl. Wa intashar al-jahl bayna an-nas. Fan-nas la ya'rifuna as-sunan. Wa ma darasu as-sunan. Wa ma ta'ammaqu fi hadhihi al-masail. وما درسوا هذه المسائل تعمقا كما ينبغي لكل احد فالناس يعني كثير من الناس يصلون وهم على جهل وليس على بصيرة فنحن في زمن بعيد من زمان الصحابة وزمان التابعين فاذا كان في هذا الزمان في زمان الصحابة وزمان التابعين فهؤلاء قد وجدوا اناس من المصلين لم يصلوا الصلاة التي كان ينبغي لهم أن يصلونها فكيف نحن في هذا الزمان نخاف على أنفسنا أننا نصلي صلاة غير مرضية. C'est pour ça que ces enseignements sont très pertinents, parce que des fois on prie, on a peur. On a peur qu'en fait notre prière, elle n'est pas vraiment, elle ne satisfait pas notre Créateur. Et c'est pour ça qu'on doit s'efforcer de prier une prière qui satisfait notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. On revient à la question dont on s'est arrêté, maintenant on reprend. Donc là j'ai fait un bref rappel sur l'importance de as-salat, de prier la prière comme il se doit. Vous avez vu dans le verset immense, où Allah fait l'éloge des prières. Allah il dit que خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Allah dit que l'homme il a été créé هلوعا. هلوعا, on peut le comprendre avec les versets qui viennent après. Il dit Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est privé ou lorsqu'il est touché par un mal, جزوعا, il se mécontente. Il commence à faire montrer son mécontentement. Jazoua, il n'est pas content. Donc il est privé ou il est touché par un mal, l'être humain il n'est pas content. Wa'idha massahu al-khayru manoua. Et lorsqu'il est touché par un bien, il prive. Il prive. Illa, mais regardez Allah, il dit sauf une catégorie de gens. Illa al-musallin. Sauf les prieurs. Subhanallah. Alors, elle a pu dire une catégorie de gens, une autre que, par exemple, ceux qui donnent l'aumône, ou bien telle catégorie de gens. Allah a dit, « Illa al-musallin. »« Alladhina hum ala salatihim da'imun. » C'est ceux qui prient constants, ceux qui sont constants dans leur prière. Allah a dit, ceux qui sont vraiment constants dans leur prière. Et c'est pour ça que la prière, c'est vraiment quelque chose d'immense. طيب, on reprend al-masalat al-khamisa. كيف يسمى هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح? Nous, on s'est arrêté la fois dernière, dua al-istiftah. Donc, on avait dit qu'il y a de nombreux, il y a de nombreuses invocations qui nous sont rapportées. On avait dit la plus authentique, c'est l'invocation qu'on avait appris la fois dernière, qu'on avait cité avec le charh, l'une des plus authentiques pour al-istiftah, lorsque il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait salat, il disait « Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya, kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib al-du'a. » Que ça, c'est l'une des plus authentiques. Sinon, il y a d'autres manières et d'autres façons d'invoquer Allah Azza wa Jalla pour l'ouverture de la prière. Et on avait dit que le compagnon Abu Huraira, justement, avait remarqué que le prophète laissait un blanc. Pas qu'il laissait un blanc, mais un silence que eux n'entendaient pas. Il y avait un silence lorsqu'ils commençaient Takbirat al-Ihram et entre eux, la lecture de Surat al-Fatiha. Il y avait un silence et là, Abu Huraira demande au prophète Sassam, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu récites pendant ce blanc? Et là, le prophète Sassam lui a enseigné cela. Il a dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib al-du'a. Et donc, Cheikh Al-Thaymin nous a expliqué ce du'a d'une manière très pertinente avec des fawa'id. Et on a dit, il y a d'autres manières, il y a d'autres du'as qui sont rapportés. Donc on avait dit la fois dernière que les savants disent, le mieux, celui qui en connaît différentes, c'est qu'il les dit pas forcément toutes pour une seule prière, mais il varie. Tantôt dans une prière, il dira celle-ci qu'il connaît, tantôt il dira une autre. On a dit, il y a plusieurs siyar, pourquoi? Parce que il y en a qui sont rapportés de compagnons. Elles sont pas confirmées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certaines, remontant jusqu'au prophète, elles sont faibles. Si on étudie vraiment le riwayat, elles sont faibles. Elles remontent certaines aux compagnons. Aux compagnons du prophète, par exemple, on peut dire « Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ». Ça, ça remonte à des compagnons, comme on avait dit là, la fois dernière. Et d'autres. Al-Muhim, on varie. On varie. Cela, on avait dit, ça s'appelle « Dua al-Istiftah ». Dua al-Istiftah. Et on avait dit, donc la question se pose, وَمِنْهُ سِيَارَ لَيْسَ فِيَا طَلَبْ. On avait dit qu'il y a des manières, des formules où il n'y a pas de demande, en fait. Il n'y a pas de demande. Par exemple, celle qu'on vient de citer, حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي. On fait l'éloge d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a pas une demande quelconque. Alors, pourquoi on appelle ça invocation d'ouverture? Invocation d'ouverture, alors que il n'y a pas forcément de demande. Al-Jawab. Donc ça, c'est le commentateur de la description de la prière de Cheikh Al-Albani qui dit cela. Vous la retrouvez dans la question de Al-Istiftah fil Masalat al-Khamisa. Vous pouvez retrouver les détails de cela dans Al-Masalat al-Khamisa. Qala, Ad'iyatu al-Istiftah minha ma fiha mas'ala wa talab lillahi subhanahu wa ta'ala wa minha siyagh takhlu an al-Masalati wa talabi mithl al-Sighati allati waradat. Alors il dit, en fait, si on observe les différentes invocations qui nous sont rapportées concernant la dua de l'ouverture, vous allez trouver qu'il y a des formules qui comprennent talab, de la demande, wa min ma fiha masala wa talab, et d'autres formules où il n'y a pas de demande particulière. Vous comprenez, lorsqu'on dit demande, une invocation c'est quoi? C'est qu'on demande, on implore Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande quelque chose. On lui demande le paradis. On lui demande de nous purifier de nos fautes, de nous purifier de nos péchés. Vous avez vu, ça c'est un talab. Il y a un talab. Sauf qu'il y a des formules, il y a d'autres formules, où il n'y a pas forcément de demande, comme on a illustré précédemment. Alors il dit, par exemple la formule, lorsqu'on dit Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, celle-ci là, il n'y a pas de demande particulière. On fait l'éloge d'Allah, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, mais on n'a pas fait de demande particulière. Pourtant, celle-ci, est-ce qu'on peut l'appeler Dua al-Istiftah? Elle s'appelle Dua, elle rentre dans Ad'iyat al-Istiftah. Qala, par exemple, une autre, Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa minha alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, qala, aqul, hadihi siyagh, ليس فيها مسألة وطلب فكيف تصمد على الاستفتاح؟ الجواب أن تعرف أيها المسلم أن الدعاء اسم شرعي يطلق على نوعين. النوع الأول دعاء المسألة والطلب، أن تقول مثلا ربي اغفر لي، مثلا ربي ارحمني، ربي باعد بيني وبين خطاياي، ومثل أو نحو ذلك. والنوع الثاني دعاء تعظيم لله وتمجيد وتنزيه، مثلا دعوة يونس ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفضل دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة. وحديث ابن ماجة في كتاب الآداب باب فضل الحامدين، وحديث الرقم كذا وكذا. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى ابن إبراهيم، وقد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى ابن إبراهيم هذا الحديث. انتهى كلامه. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Ad-Dua se divise en deux catégories. Ad-Dua se divise en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle l'invocation de demande, Dua Mas'ala, Ad-Dua Al-Mas'ala, et il y a une invocation qu'on appelle d'adoration. Donc, il y a une invocation, vraiment, il y a de la demande, et puis il y a une invocation, comme il dit ici d'une manière plus précise, il va l'appeler Dua Mas'ala wa Talab, et Noa Thani va dire Dua Ta'zim Lillahi Azza wa Jal wa Tamjid wa Tanzih. Donc il y a des Dua ou qu'il y a des demandes, première catégorie. Et deuxième genre, deuxième catégorie de Dua, c'est des Dua qu'on glorifie. C'est de la glorification d'Allah Azza wa Jal, du Tamjid. Tamjid, le fait de scander la majesté, la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, traduction relative. Et Tanzih, c'est le fait d'attester qu'Allah Azzawajal est exempt de toute forme d'imperfection, subhanahu wa ta'ala, et d'attribuer la perfection à Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le dua. Donc, en fait, lorsqu'on dit subhanallah, walhamdulillah, tout ça, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, tout ça, c'est ad-dua. Tout ça, c'est considéré comme ad-dua. Et la preuve, regardez ce qu'il dit. La preuve, il dit, Da'wat Yunus, le prophète Yunus, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, l'une des meilleures invocations, le fait de dire La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Inni kuntu min al-zalimin. C'est appelé dua. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Nul adoré véritable, si ce n'est toi, subhanak. Gloire à toi, certes je comptais parmi les injustes, par exemple. C'est une invocation qui est immense. C'est pour ça qu'avant d'invoquer le comportement, avant d'invoquer, lorsque vous voulez invoquer Allah Azza wa Jalla, le comportement c'est de faire les éloges d'Allah, d'abord. De faire les éloges d'Allah, de prier sur le prophète, ensemble, et ensuite de lui demander. Ça, lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jalla, il y a ce qu'on appelle adab dua. Et le adab dua, il est bon, toujours bénéfique, plus on observe un bon comportement et plus on met les chances de notre côté pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah entend et répond à nos invocations. Mais plus on a un bon comportement et on insiste dans nos invocations, Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre favorablement et quoi qu'il arrive, Allah répond à ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Donc le bon comportement, lorsqu'on invoque, d'abord on fait l'éloge d'Allah. On évoque les éloges. On lui fait les louanges, subhanahu wa ta'ala. Regardez, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min al-zalimin, par exemple. Et de faire l'éloge d'Allah, Allahumma lakal hamd, ولك الشكر. Par exemple, ensuite nous salli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et on demande tout ce qu'on veut lui demander. Mais regardez dans un autre récit que mentionne l'auteur. La meilleure invocation le jour de Arafah, qu'on puisse dire, c'est le fait de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est la meilleure invocation qu'on peut dire le jour de Arafah. Il y a des invocations comme cela. Regardez, afdalu du'a. Pourtant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit La ilaha illallah, l'une adorée véritable si ce n'est Allah, traduction relative. Lahul mulk, à lui la royauté. Wa lahul hamd, à lui appartiennent les louanges. La sharika lah, point d'associé. Vous avez demandé quelque chose ? Il est cité dans le hadith Dua, afdalu dua i arafa. Le meilleur dua qu'on puisse dire à Arafa. Et donc, c'est pour cela qu'ensuite, il cite le hadith de Jabir ibn Abdillah. Dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, il est dit Afdal al-dhikr, la ilaha illallah, wa afdal al-du'a, alhamdulillah. Dans un hadith, Jabir ibn Abdillah il dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire la meilleure évocation, le meilleur dhikr, le fait d'évoquer Allah azza wa jal, la meilleure évocation, le fait de dire la ilaha illallah. C'est le meilleur dhikr. La ilaha illallah. Et il dit wa afdal al-du'a. Et la meilleure invocation, Alhamdulillah, le fait de dire Alhamdulillah. C'est pour ça que les quatre meilleures paroles dans la dunya, ceux qui, des fois on est assis comme ça, et des fois on est pris de hymen. Vous avez vu, il y a des fois on est pris, on est d'arf l'hymen, on est pris, on est dans une assise, ça arrive, on est des hommes, hein. Dans une assise, on plaisante, on bavarde, donc on pense pas au rappel d'Allah. Mais des fois on est dans une assise, où des fois on se retrouve seul, on est assis, on pense, on se dit, subhanallah, je vais bientôt mourir, c'est la fin. On commence à se faire le rappel soi-même. Vous avez vu, des fois, vous êtes seul, peut-être sur la route, sur votre monture, vous faites un rappel tout d'un coup, ou bien vous recevez tout d'un coup un rappel, on vous annonce salat al-janaza, on se dit, subhanallah, un jour, on va envoyer un message pour la mienne, subhanallah, et à un moment, vous êtes pris de iman. Vous êtes pris, ça arrive des moments, par la grâce d'Allah, azza wa jal. Et là, vous avez envie de dire les meilleures paroles. Des meilleures paroles pour vous rapprocher d'Allah. Il n'y a pas meilleure parole que Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahi ilayhi illallah, Wallahu akbar. Les quatre meilleures paroles. Il y a les trésors qu'on a. Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahi ilayhi illallah, Wallahu akbar. Vous avez vu, certains savants, ils arrivent parce que eux, depuis de longues années, ils ont habitué leur nefs à ça. Vous avez vu, certains mashayikh, lorsque vous écoutez les questions-réponses, chez Menbes par exemple, on entend toujours le présentateur qui lui pose des questions et on entend derrière « La ilaha illallah, alhamdulillah ». Cheikh, il est en train de faire des écrits, subhanallah. Comment ils font ? Toujours ce lien, pas de perte de temps, toujours ils évoquent Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, nous on est dans une ni'ma. « Fi ni'matin azima ». لو عرف الملوك وابناء الملوك النعمه التي نحن فيها لجاهدونا بالسيوف. Pour prendre cette ni'ma, ni'mat dhikr Allah, nahnu fi bayt min buyutillah, natadhakkar kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam, natafaqqa fi din idha arada Allah bi 'abdihi khayran yufaqqihu fi din, wa yaqul Allah jalla wa ala yarfa'i Allah alladhina amanu minkum wal ladhina utu al-'ilm darajat. Hada ni'matun 'azima. Celui qui aime le 'ilm, la science, subhanallah. Dites-vous qu'Allah vous a mis quelque chose dans le cœur, c'est pas tout le monde. Et là, disons, demeure parmi les demeures d'Allah, on se rappelle et on se fait le rappel sur l'apprentissage de la prière, c'est quelque chose d'immense. Ce hadith-là, regardez, le prophète dit, la meilleure évocation, c'est la ilaha illallah. Et le meilleur dua, il dit, c'est alhamdulillah. Regardez le hadith. Et ce hadith-là, vous pouvez le retrouver dans At-Tirmidhi. Donc le prophète dit, le meilleur dua, c'est Alhamdulillah. Pourtant, Alhamdulillah, ça veut dire louange à Allah. Louange à Allah. Et Babu Maja'a anna da'wata al-muslim mustajaba. Anna da'wata al-muslim mustajaba. Dans le chapitre, vous regardez le chapitre de At-Tirmidhi. Il dit chapitre concernant le fait que l'invocation du musulman est exaucée. La vocation du musulman est exaucée. Ça rappelle le compagnon. Il y avait un célèbre compagnon, son dua était exaucé. Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas. Regardez dans Riyad al-Salihin et dans d'autres recueils, l'imam Nawawi relate les différentes histoires de Sa'd ibn Abi Waqqas, que à chaque fois lorsqu'il a invoqué, il a invoqué contre quelqu'un, et ben son doa était exaucé. Jusqu'à on a la célèbre histoire du vieil homme plus tard. Un jour un homme Sa'd ibn Abi Waqqas avait invoqué contre lui. Et Sa'd ibn Abi Waqqas avait dit: ô Seigneur, allonge-lui son âge et qu'il devienne meftoun, parce qu'il lui avait fait du mal, qu'il devienne meftoun. Et il est rapporté que cet homme ensuite, il a vécu longtemps jusqu'à c'est devenu un vieillard. Il est rapporté qu'il courait après les petites filles, qu'il suivait les filles dans le village, et il courait après les petites filles. Lorsque les gens le prenaient, il lui dit: Achir, subhanallah, il est arrivé à un âge avancé, c'était un vieux pauvre, il courait après les petites filles comme ça, meftoun. Après, il dit: Achir, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit: Asabatni da'watu Sa'd. Il leur dit: je suis un vieil homme, meftoun, j'ai été touché par l'invocation de Sa'd. Et il y a d'autres encore. Comme ça, Sa'd ibn Abi Waqqas fait partie de certains croyants parmi les compagnons où leur dua était mustajab, comme d'autres croyants. Qala al-Musannif, ensuite, ou plutôt le Sharih, vous pouvez retrouver dans Ibn Majah fi Kitab al-Adab Bab Fadl al-Hamidin. Qala Abu Isa hada hadithun hasanun gharibun لا نعرف إلا من حديث موسى ابن إبراهيم قد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى عن إبراهيم هذا الحديث والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع وصحيح الترمذي وابن ماجه وهذه الدعوة لا إله إلا الله والحمد لله ليس فيها مسألة ولا طلب إنما فيها تبجيل وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى وعلى هذا نقول. C'est pour ça que l'auteur, regardez, il dit, le commentateur, vous avez vu dans ce hadith, « La ilaha illallah, hadihi da'wa. » Walhamdulillah, il n'y a pas de demande précise. Pourtant, c'est meilleure invocation, il n'y a pas de demande précise. Alors il dit, pour cela, nous disons que l'invocation se divise en deux catégories. Il dit, « Du'a masala wa talab », une invocation où il y a de la demande, et on implore le Créateur subhanahu wa ta'ala, et une invocation temjid wa ta'zim, où on glorifie, on mentionne la grandeur et l'immensité et la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب قال فإذا علمنا هذا فتسمية هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح تسمية صحيحة. Si on a compris cela, donc il dit, le fait d'appeler l'invocation d'ouverture Dua l'istiftah, même si on dit par exemple Hamdan kathiran tayyiban mubarakat fi, ou une autre invocation, Allahu akbar kabiran, et autre invocation, on appelle ça dua. Et cette appellation-là, elle est valable et authentique. Valable et authentique. Qala wa nahu as-sighatu allati waradat. Qala wa min hadha ad-du'a alladhi tastaftih bihi as-salata ما هو من جنس دعاء المسألة والطلب نحو الصيغة التي وردت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ومنه من هو دعاء تعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى نحو ما جاء في السياق الأخرى والتي أشرت إلى بعضها قبل قليل مثل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الكلام. المسألة السادسة. المسألة السادسة. Donc ensuite, donc là on a, alhamdoulilah, eu la réponse, on a terminé cette question. Ensuite l'auteur va poser une très belle question ensuite. Il va évoquer le commentateur une sixième masala. المسألة السادسة. ما معنى قوله في بعض هذه الصيغ أنا أول المسلمين. أنا أول المسلمين. Pourquoi? Parce qu'on a une autre formule. On a une autre formule, puisqu'on a dit qu'il y a plusieurs formules qui sont rapportées. Et on peut faire les siftars de plusieurs formules. Sauf que la formule la plus authentique, c'est celle qu'on avait citée précédemment. Mais on a une autre formule où on apprend à dire وَجَّهْتُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَأَنَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. On a une autre formule. Vous avez vu ce que je viens de réciter en arabe? Ça, c'est une formule qu'on peut dire aussi. C'est une formule qui est rapportée. Une formule qui est rapportée. Sauf que dans celle-ci, regardez. Regardez ce qu'on dit. Après qu'on dit وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, après qu'on dit ça, on dit حَنِيفًا مُسْلِمًا, qu'on est musulman, حَنِيفًا وَمَا, et la personne qui fait la formule, il dit وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et je ne compte pas parmi les polythéistes. Ensuite, إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, certes ma prière, mérite, ma vie, ma mort, n'appartiennent qu'au Seigneur de l'univers, la شَرِكَ لَهُ, sans associer. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, et cela, voici ce qui m'a été ordonné, et je compte parmi les premiers musulmans. On dit cela. L'auteur pose la question, quel est le sens « je compte parmi les premiers musulmans » Puisqu'on doit dire ça. Dans cette formule, on dit ça. « وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ » Certes, ma prière, mérite, ma vie, ma mort, n'appartiennent qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela m'a été commandé, ordonné, et je compte parmi les premiers musulmans. Alors la question, c'est la masala, et dit, dans cette formule-là qu'on dit, parce que si vous la dites, vous allez dire, wa ana awwalul muslimin, et moi je compte parmi les premiers musulmans. Il dit, quel est le sens de premier musulman? Puisque réellement, ce n'est pas les premiers musulmans. Alors regardez ce qu'il va dire. C'est pour ça, ça c'est des massas qui sont pertinentes, parce que peut-être que ça fait des années, pour les meilleurs, ceux qui ont appris ces différentes formules, qu'ils le disent, et ils n'ont pas pensé à qu'ils disent tout le temps, à chaque prière, « Ana awwalul muslimin ». Mais moi, je suis le premier musulman. Le sens est dit « Al-Jawab ». « Ma'na qawli wa ana awwalul muslimin »« Ay Allahumma ana awwalu man yubadir l'imtithali amrika idha ma'allimtu » Ou « Iza ma'alimtu amrak »« Iza ma'alimtu amrak »« Wa iza ma'balagani amruk »« Wa inni amtathiluhu wa ubadiru ila ta'atika subhanak » Donc je traduis juste ce que je viens de vous lire en arabe et on se quitte, Inch'Allah. Alors le sens en fait, lorsque dans la vocation on dit « et moi je compte parmi les premiers musulmans », c'est dans le sens, il dit « Hey, Allahumma ana awwalu man yubadir limtithali amrik ». C'est dans le sens que vous dites Ô Seigneur, je suis le premier à m'empresser à répondre à ton ordre. Je suis le premier à m'empresser à me soumettre à ton ordre. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la soumission au Créateur. Et donc là, c'est comme si elle insane yubadir. Yubadir, le fait, le mubadara, c'est le fait de s'empresser, de se hâter. De se hâter. Et là, c'est dans le sens que awwalul muslimin, Allahumma ana awwalu man yubadir limtithari amrik. Je suis le premier à m'empresser à me soumettre à ton ordre. À me soumettre. Mais, regardez, idha ma alimtu amrak. Lorsque j'ai connaissance, idha ma alimtu amrak. Lorsque j'ai connaissance de ton ordre. Si j'ai connaissance de ton ordre, je suis le premier à m'empresser à m'en soumettre. À me soumettre. Qala, wa idha ma balagani amruk. Et lorsque ton ordre me parvient. Donc, awwalul muslimin, lorsqu'on dit cela, je suis le premier musulman, dans le sens, le premier à m'empresser à me soumettre à ton ordre, ya rabbal alamin. Fa inni amtathiluhu wa ubadiru ila ta'atika subhanak. Subhanak. Vous comprenez le sens? Et là, l'auteur, c'est de cette manière qu'il explique. Wallahu a'lam. Demain, on continuera, inshallah, fi bard al-masail. On commencera après l'istiftah, là, on commencera sur Masalat al-Istihada wa Qira'at al-Fatiha wa Ba'd al-Masail al-Muta'aliqa bi هذه المسائل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم